Anyangi. Jeudi 28 mars, bonjour à tous et à tous. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Le président du Parti Congrès national pour la liberté CNL contre l'arrestation et ce qu'il qualifie de séquestration de ses membres dans différents coins du pays. Dans cette édition, vous suivrez la réaction de l'administrateur de la commune Nyamurenza en province Ngozi, une des communes pointées du doigt. Désormais, tout pêcheur fréquentant la République démocratique du Congo devra passer par un poste de surveillance pour être testé au virus Ebola. Vous l'entendrez dans cette édition. Et quatre personnes, dont deux Burundais, deux étrangers accusés de trafic de drogue de type héroïne, ont été présentés ce jeudi à la presse. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique nous en parlera dans cette édition. Et le reportage du jour nous conduira en commune Butaganzwa de la province Ruyigi pour parler des conditions de vie des rapatriés. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par le duo Epitas Ndayishimiye et Dorine Uwimana. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page politique pour débuter cette édition. Le président du Parti Congrès national pour la liberté CNL s'insurge contre ce qu'il appelle séquestration et arrestation de ses membres sous prétexte qu'ils sont en train de tenir des réunions non reconnues par la loi dans différents coins du pays. Le député Agathon Rwasa explique que les membres de son parti, comme tant d'autres, ont le droit de jouir de leur liberté, dit ne pas comprendre pourquoi ses fidèles sont souvent arrêtés en train de partagé en vert. Et en ce qui est de la non-mise en place des organes du parti, qui serait prétexte d'arrestation de ses membres, Agathon Rwasa a indiqué que ces organes seront bientôt mis en place. On l'écoute au téléphone avec Évariste Nzikobanyang. Oui, nous suivons la situation. C'est dommage, c'est malheureux. C'est que malheureusement, on prétexte l'inexistence d'organes. Cependant, l'inexistence d'organes n'est pas un problème parce que c'est nous qui nous organisons, ce ne sont pas eux qui doivent nous organiser. Par ailleurs, je pense que l'intolérance politique n'avance en rien le processus démocratique dans notre pays. Ce qui serait intéressant, ce serait de s'accepter mutuellement et de laisser chacun vaquer à ses activités. Et c'est comme ça qu'on contribuera à l'essor de notre nation. Ces membres sont accusés de tenir des réunions. Je ne pense pas qu'ils tiennent des réunions parce que les réunions sont sanctionnées par des PV. Ceux qui les arrêtent ne produisent jamais les effets qui démontreraient que réellement ils étaient en réunion. Des gens, quand ils se rendent visite, ça devient comme une infraction. Je trouve plutôt que c'est un prétexte pour nous marmener et pour intimider les gens afin de les forcer à adhérer à un seul parti. Or, nous sommes dans un multipartisme, c'est consacré par la loi, et on n'a qu'à s'y faire. Est-ce que vous détenez des chiffres de personnes déjà arrêtées? Ces cas d'arrestation sont signalés dans quelle province et dans quelle commune? Les cas sur les gens, c'est presque dans tout le pays. Angozi, Lundo, Arutana, Karus. Aujourd'hui, vos membres sont persécutés dans certains coins du pays, comme vous venez de le dire. Qu'est-ce que vous leur demandez? Nous leur demandons la retenue. Nous leur demandons de ne pas céder à la panique. Après tout, ils sont des citoyens comme tant d'autres. Ils ont droit à faire de la politique et d'adhérer à un parti de leur propre choix. De surcroît, je demande à tous les Burundais de savoir que l'intolérance n'avance à rien dans notre pays, mais plutôt qu'il faut miser sur la tolérance mutuelle et que la complémentarité entre les différentes opinions, c'est ça que nous devons rechercher dans l'édification de notre nation. Le député Agathon Rwasa, président du Parti Congrès national pour la liberté, CNL, et de son côté, l'administrateur communal de Nyamurenza, une des communes citées par Agathon Rwasa, que ses membres y sont persécutés, nie cette allégation. Dieudonné Niyonzima demande à la présidence du Congrès national pour la liberté de mettre en place les organes de ce parti qui travaillerait avec l'administration pour lever tout équivoque. Il demande à tout membre d'un parti politique de saisir le autorité communale en cas de force majeure et interdispendant toute rencontre politique dont les débits de boissons. On l'écoute, lui aussi joint au téléphone par Évariste Nzikobanyang. Jusqu'à maintenant, en tant qu'administrateur de la commune Nyamurenza, je peux confirmer qu'il n'y a personne qui est en train d'être persécuté suite à son appartenance politique ou religieuse. Jusqu'à maintenant, vraiment, il n'y a pas ce problème. Si aujourd'hui ce comité mixte de sécurité tombe sur un groupe de trois CNL en train de parler de leur parti, est-ce que c'est une infraction? Il n'y a personne qui est venu devant moi pour effectivement dire qu'elle est persécutée quelque part. C'est d'autres choses en dehors de ça. Je considère comme cela comme des rimes. Même si il est le SNL, le CNDF, le FRODEM, on est là pour tous ces gens-là. Comme il y a des gens mal intentionnés, il peut y avoir des gens mal intentionnés. S'il peut y avoir quelqu'un qui ose dialoguer ou faire des réunions dans des discours, là, l'administration peut faire ce qu'elle peut pour lui prodiger des conseils pour que ça ne se répète plus. Pour n'importe quel parti politique, c'est interdit d'organiser des réunions, d'organiser des dialogues continuer au niveau des bispos. Tous les partis politiques sont concernés par cette mesure, que je dirais, une mesure sociale, une mesure sociale. Dieudonné Niyonzima, c'est l'administrateur de la commune Nyamurenza en province Ngozi. Toujours en page politique dans la chronologie des projets de société des partis politiques, le Conseil national pour la défense de la démocratie CNDD compte trouver une solution au problème de fonctionnaires de l'État. Gaspard Kobako, porte-parole de ce parti, dit que le CNDD souhaite mettre en place une politique de l'habitat par la villagisation. Il ajoute que leur parti va lutter contre le chômage par la mise en place de grands chantiers comme la construction des barrages hydroélectriques qui embaucheraient beaucoup de jeunes. On l'écoute. C'est un projet de société qui est axé sur le développement de manière générale. Dans ce développement, nous comptons d'abord lutter contre la faim. Nous allons supprimer le chômage. Nous allons concevoir une politique énergétique propre parce que nous avons un déficit énergétique énorme. Nous comptons conduire une alphabétisation intégrale et qualifiante. Nous allons mener une politique de santé permettant de garantir à tous les soins de qualité, parce qu'il y a un grand déficit aussi à ce niveau. Et nous allons libérer les femmes sur tous les plans. Et nous allons mener aussi une politique de logement de façon à ce que chaque Burundais ait un logement décent à un coût modique. Et nous allons lutter très énergiquement contre l'impunité, contre la corruption, et nous allons réhabiliter la justice et revoir la constitution pour rendre possible le fonctionnement des institutions. Un autre projet que nous avons, c'est de ramener de façon stable et définitive la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national et de trouver aussi une solution digne et durable aux problèmes des réfugiés, des rapatriés, des déplacés et des sinistres. Et enfin, trouver une solution durable aux revendications non écoutées des fonctionnaires, et parmi lesquels les enseignants, les travailleurs du secteur de santé, ce sont des secteurs très sensibles, et par une politique d'assainissement des finances de l'État et une politique d'emploi et de sécurité sociale. Nous comptons aussi relever les barèmes de salaire qui seront réétudiés dans tous les secteurs avec une harmonisation des salaires, et ce en concertation avec les syndicats et les secteurs concernés. Oui, si vous dites que vous allez lutter contre le chômage, comment comptez-vous gérer ce problème? C'est-à-dire que nous allons initier de très grands travaux, des travaux qui vont faire en sorte qu'on utilise une main-d'œuvre abondante, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, en mettant à contribution, bien sûr, la jeunesse qui constitue l'essentiel de notre population. À titre illustratif? C'est-à-dire des grands chantiers, construction des routes, construction des hôpitaux, la construction des écoles, la construction des barrages pour qu'il y ait de l'énergie, laquelle énergie va permettre l'industrialisation qui pourra s'en suivre. Qu'en est-il pour l'habitat que vous prenez? Ça veut dire que nous allons mener une politique de telle manière que tout Burundi puisse avoir un habitat décent et bien sûr revoir aussi la politique des terres à travers une villagisation, à libérer les terres et amener une véritable réforme agraire. On ne peut pas faire cela dans l'isolement. Il y a une politique d'intégration régionale. C'est-à-dire qu'il faut mener une diplomatie, une politique diplomatique qui permet un bon voisinage avec les voisins et une ouverture sur le monde extérieur. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h07 dans le studio de la radio Sanganiro, poursuivons cette édition par la page Sécurité. 4 personnes, dont 2 Burundais et 2 étrangers, accusés de trafic de drogue de type héroïne, ont été présentés ce jeudi à la presse. Le porte-parole du ministère burundais de la Sécurité publique a précisé que les 2 étrangers ont été arrêtés mercredi de la semaine passée à l'aéroport international de Bujumbura avec 3 kg de cette drogue. Je vous prie de le suivre. 3 kg d'héroïne contenus dans 6 colis d'une valeur de 360 000 euros et ont été saisis par les forces de sécurité burundaises à l'aéroport international de Bujumbura le 20 mars 2019 entre les mains d'un Brésilien qui s'appelle Gilberto Fabio et il était en provenance de Brésil et il a été appréhendé à l'aéroport international de Bujumbura. Également avec lui, 2 Burundais complices et personnes de contact ont été appréhendées à cet endroit même, au moment où ils allaient l'accueillir pour le conduire à l'hôtel pour poursuivre ce trafic de la drogue. Et ces Burundais sont Djuma Nahimana et Rajabu Ndayisenga, qui habitent ici à Bujumbura, à Djabé, qui se présentent comme des commerçants. C'est Djuma Nahimana qui avait même le véhicule pour pouvoir accueillir ce trafiquant brésilien. Un jour après, la police a appréhendé un autre étranger qui était dans le coup, un Lettonien, qui venait de la Grèce et qui a été appréhendé à l'aéroport international de Bujumbura et qui s'appelle Maris Akmes et qui avait pour mission de récupérer la drogue pour la conduire dans une destination qu'on devrait lui indiquer à un autre membre du réseau. Ici, la police va finaliser le dossier et il va le transmettre au ministère public pour la suite du dossier. La justice qui saura gérer l'affaire après l'enquête de la police. Mais comme vous l'avez constaté, l'infraction a été commise ici sur le territoire du Burundi et bien la justice burundaise va faire son travail. Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère burundais de la Sécurité publique, au micro de notre consoeur Marie-Claire Kazeneza. Parlons à présent commerce. Le crinker, matière première pour la fabrication du ciment chez Bousseco, du maïs, du sucre et du ciment de plus de 180 000 tonnes ont été réceptionnés au port de Bujumbura provenant du port de Murungu en Zambie au port en 2017. Des précisions du directeur général de Global Port Services Burundi, Bonaventure Sinzawakwira, ajoute que les ports de Murungu en Zambie et Kigoma en Tanzanie, de ces ports proviennent essentiellement la plupart des marchandises. Cette autorité souligne que jusqu'ici, la voie Dar es Salaam Kigoma-Bujumbura n'est pas assez exploitée, alors qu'elle est la moins chère par rapport à la voie routière. On l'écoute. Principalement, nous faisons des échanges avec le port d'Ompulungu pour le corridor sud et le port de Kigoma pour le corridor central. Le corridor central a 2 composantes. Une composante entièrement routière qui part du port de Dar es Salaam et entre au Burundi par Kobero. Et une composante mixte, rail-lac, rail Dar es Salaam et Kigoma, lac Kigoma, Bujumbura. Nous avons accueilli essentiellement des marchandises en provenance d'Ompulungu et de Kigoma. Pour l'année 2017, par exemple, nous avons réceptionné 123 050 tonnes de marchandises en provenance d'Ompulungu. C'est essentiellement composé du clinker. Le clinker, c'est la matière première pour la fabrication du ciment à hauteur de 41 000 tonnes. Le ciment aussi, nous avons réceptionné du ciment en provenance d'Ompulungu, 37 000 tonnes. Le maïs, 24 000 tonnes. Le sucre, presque 20 000 tonnes. Donc voilà les 4 principaux produits que nous avons réceptionnés en provenance d'Ompulungu. La même année aussi, nous avons réceptionné autour de 22 400 tonnes de marchandises en provenance de Kigoma et provenant elles-mêmes de Dar es Salaam, donc ayant utilisé le rail et le lac Kigoma Bujumbura. Le rail, c'est un chemin qui avait sombré il y a plus d'une décennie. Donc, elle a repris ses activités en avril 2017, où nous avons réceptionné les premières marchandises en avril 2017, donc, qui a permis à cette année-là de réceptionner autour de 22 400 tonnes. L'année 2018 aussi, nous avons pu réceptionner des marchandises aussi en provenant de Kigoma, donc provenant de Dar es Salaam via Kigoma et remontant vers Bujumbura par le lac. C'est autour de 33 200 tonnes. Il y a quand même eu un surplus de 10 000 tonnes par rapport à 2017. Je vous l'avais annoncé en titre, tout pêcheur qui fréquente la République démocratique du Congo devra désormais passer par un poste de surveillance pour être testé à la maladie à virus Ebola dès son retour au Burundi. Le docteur Jean-Claude Ndikumasabo, médecin provincial de Rumonge, l'a dit ce mercredi lors d'une campagne de sensibilisation pour se prévenir contre cette maladie qui sévit au Congo voisin. Une correspondance signée Jean-Pierre Misago. Au cours de cette campagne, parmi ceux qui ont exprimé leurs inquiétudes sur une éventuelle propagation de la maladie à virus d'Ebola à partir du Congo voisin, se trouvent les pêcheurs. Selon ce pêcheur, celui qui est informé doit entrer au Burundi via les postes de surveillance où il est testé à cette maladie. Mais un bon nombre de pêcheurs qui fréquentent la République démocratique du Congo entrent clandestinement au Burundi, s'inquiète ce pêcheur. Pour Jean-Claude Ndikumasabo, médecin provincial de Rumonge qui s'était joint à l'équipe du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida dans la sensibilisation de la population de Rumonge et des environs pour se prévenir contre l'Ebola, toute personne qui entre dans la province de Rumonge en passant par le lac Tanganyika et spécialement ceux qui viennent du Congo voisin pour son intérêt et celui de tout le pays doit passer par un poste de surveillance contre l'Ebola au port de Rumonge, à la plage de Magara et celle de Gitaza, et cela pour être testé afin de se prévenir contre la maladie à virus d'Ebola qui sévit actuellement au Congo voisin. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. À la source. Reportage. Place au reportage du jour. Les rapatriés provenant de la Tanzanie habitant sur la colline Rugata de la zone Biyogwa de la commune Butaganzo en province Luigi disent vivre dans la misère. Ils affirment que le paquet retour qui leur avait été octroyé n'a pas fait long feu. Ils demandent d'être assistés en vivres et en habitat. Et l'administration communale dit qu'elle compte continuer à les assister via la politique nationale de solidarité locale. Notre reporter, c'est Eline Bell. Monique Basekahino est une vieille femme se trouvant sur la liste des récents rapatriés provenant de la Tanzanie et dit résider dans la maison de son petit-fils. Se trouvant sur la colline Rugata, en zone Biyogwa de la province Luigi, elle est revenue avec quelques ustensiles de cuisine, poursuit-elle, et que son paquet retour n'a pas du tout duré. J'ai reçu une assistance d'un demi-sac de farine du type Yanga, trois casseroles de haricots, et un kit de marmite, de cuillères, deux couteaux et un montant de 70 000 frambous pour l'achat d'une carte d'assurance maladie et une eau. On m'a donné également une couverture. Je n'ai pas de moyens pour me faire soigner si je tombe malade. Je compte sur l'assistance de mes enfants. À côté de Basekahino se trouve Christine Nzinahora qui vient de passer une année après son retour au pays. Elle indique avoir retourné avec son mari et ses quatre enfants, expliquant que le cinquième a été porté disparu en exil. Nzinahora, comme son voisin lui aussi rapatrié, demande d'avoir, de vivre et de l'habitat. Dès mon arrivée au pays, je me contente de la ration de mes enfants car le paquet retour est épuisé. Je fais de même aujourd'hui. Si mes voisins m'ont fait un billet de 1000 francs, je me rabats au marché et comme ça mes enfants trouvent à manger. Je demande une assistance en vivre. J'ai envie d'avoir de l'argent pour bâtir une maison afin de mener une vie comme les autres. Spécial Aburia Kira, numéro 2 de la colline Rugata, précise que les récents rapatriés sont au nombre de 3 et d'autres rebroussent parfois le chemin selon elle. Mais c'était responsable administrative, même si elle rassure qu'on leur construit des habitats provisoires, ces rapatriés ont des défis. Sur ces défis, Fabien Tarsis Nukamadina, administrateur de la commune Butaganzwa, malgré qu'il préfère ne pas s'exprimer au micro, tranquillise que ces rapatriés seront assistés à travers la politique nationale de solidarité locale. Merci à Eline Bell Nwigira pour ce reportage. Point final à cette édition, mais je vous en rappelle les grands titres. Le président du Parti Congrès national pour la liberté CNL contre l'arrestation et ce qu'il qualifie de séquestration de ses membres dans différents coins du pays. Dans cette édition, vous avez pu suivre la réaction de l'administrateur de la commune Nyamurenza en province Ngozi, une des communes pointées du doigt. Cette autorité communale rejette toute allégation et désormais tout pêcheur revenant de la République démocratique du Congo devra passer par un poste de surveillance pour être testé au virus Ebola. Et quatre personnes, dont deux Burundais et deux étrangers accusés de trafic de drogue de type héroïne, ont été présentés ce jeudi à la presse. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique fait savoir qu'ils ont été les deux étrangers, ont été arrêtés mercredi de la semaine passée à l'aéroport international de Bujumbura avec 3 kilos de cette drogue. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, à toute l'équipe de la cabine technique. Je dis merci. Un très bon après-midi à tous.